antisémite, j'imagine pas mon vécu. Depuis le 21 avril, on veut me blanchir le cul. La flamme comme symbole, un gros porc comme leader. Des dérapages pour rien, cette fois-ci il est l'heure. Pour mettre les choses en place et d'éteindre la flamme. Chez moi personne n'y pensait, d'un coup ça crame. Alors QG ça spam, pendant que Brahim Boiram se noie et perd son âme, et putain quel drame. Je rêve d'une France métissée, mais ça reste qu'un rêve. Et pour ta couleur de peau, des skins te crèvent. Le malaise il vient de là, me parlez pas de banlieue. Aucune motion de censure, mais soyons sérieux. Qu'est-ce qui motive ce vol, qu'est-ce qui motive ce score. Je finis par être parano et ça devient hardcore. C'est pas un texte plein de haine, mais juste de désespoir. N'oublions pas qu'Auschwitz n'est qu'un détail de l'histoire. Anti-front national, y'a pas de port sur le trône. Un bulletin pour se cacher, y'a faire un tour dans la zone. Jean-Marie et Marine, on pourrait de l'Elysée. Une solution s'unir, ils veulent nous voir diviser. Anti-front national, y'a pas de port sur le trône. Un bulletin pour se cacher, y'a faire un tour dans la zone. Jean-Marie et Marine, on pourrait de l'Elysée. Une solution s'unir, ils veulent nous voir diviser. Du premier homme de l'État au beauf en bas de Chihuahua, sûr que c'est la même. Depuis qu'un tas de Sistra dans l'âme, j'ai foncé sans Vignasse qui porte Ignace, ses cheveux crépus, mon prénom Sun, c'est mythe. T'imagines pas mon vécu sous la sous les regards des contrôles sans quiproquo. L'étude de mon CV se stoppe au stade de la photo forte d'hypocrisie. On me qualifie black ou de couleur. Sur noir serait plus simple pour certains, j'en ai la senteur. Passe les années, tannées, des mentalités bâclées. La meilleure place des Renois n'est pas que sur une piste d'athlée. Je suis fâché, pense au passé sur scène, gesticule la rancune de l'époque. Quand je vois que Mississippi brûle, profite du répit certes, pendant les combats entre hyènes. Je me fous de savoir qui règnera sur le trône de la haine. Dire que ma couleur est telle, que je serai pas les coups de soleil. Et dans plus d'une ville, esquive les coups de bouteille. Et essaye de rester stoïque, le temps d'un sommeur dur. D'aller plus loin quand toute facho vole ma mort qui tombe dénue. Quand les listes FN se remplissent, qui pour te haïr n'attendront pas que tu grandisses. Sans demi-mesure, la réciproque m'importe inautant. Des frères méprisants m'exaspèrent, suis-je éloquent. Anti-front national, y'a pas de port sur le trône. Un bulletin pour se cacher, y'a faire un tour dans la zone. Jean-Marie et Marine, on pourrait de l'Elysée. Une solution s'unir, ils veulent nous voir diviser. Anti-front national, y'a pas de port sur le trône. Un bulletin pour se cacher, y'a faire un tour dans la zone. Jean-Marie et Marine, on pourrait de l'Elysée. Une solution s'unir, ils veulent nous voir diviser. Ma famille de cœur est sans cohérence sanguine. Et pour les plus clairs aux plus sombres nids. Pour pas crier famine, rien à foutre vos histoires de mélanine. Le 21 se met le doute et les chiffres m'assassinent. Regarde de travers nos gamines, discrimine. Écorche le nom de ma femme et pas celui de ma frangine. Faudrait la jouer fine, des caches se fait appeler Tom. Ça me chagrine d'en voir rentrer dans la combine de la honteuse norme. Votre Marseillaise, mettez-vous là où je pense. Du soin impur dans l'hymne national de la douce France. Mensonge souffrance, terre d'accueil, pays des droits de l'homme. Sont plus des formules dont j'ai souvenance. La grandeur de ce pays, salement mise à mal. C'est le grand soir des groupuscules en treillis. Des visages pâles, le solferino. Les bouffons des ceux qui quittent la salle. Moi je tombe de haut, merde la France à la gale. Anti-front national, y'a pas de port sur le trône. Un bulletin pour se cacher, y'a faire un tour dans la zone. Jean-Marie et Marine, on pourrait de l'Elysée. Une solution s'unir, ils veulent nous voir diviser. Anti-front national, y'a pas de port sur le trône. Un bulletin pour se cacher, y'a faire un tour dans la zone. Jean-Marie et Marine, on pourrait de l'Elysée. Une solution s'unir, ils veulent nous voir diviser. Laissez passer ça, passer ça, passer ça, passer ça.